plutôt respecter la règle du jeûne. Tu as un masque. Tu as voulu ma boue plusieurs fois. Pour tousser, il faut une goutte. Distance, il y a un mètre. Eh, tu as un wapi. Tu as un peu de temps. Maître qui m'a foutu à Kabongo, d'aime ce chai. Maître Igue Matadi. Na bomba yango ndenge wana ma meilleure chemise au baby sakana ta charouge à lèvres na yo il y a des ans na linik tansoyo tobinaka na mona yo pemba la moko me battre na yo na bomba intacte silelo ben inconnu maître Oscar Kabole Guru. Tes yeux doux, cheveux longs, ton visage est d'enfant. Et tu que l'angai, traumatisme, na la la kao, na boutou, na la moukaka nango, jour après jour. Bye bawa, pona polingo papa louke na katsaba, tomona bango, poko mo boya ngai. Ba rêve considéré nga lokola inconnu anzo te kenda e pol mutu eso somate boluke langa jef jadile teta général fils enkelele sokia yeta akokutanga na kampa pol mutu please baby Claude Luque Bagueno comme pesa na moto apona yenga blandin tondilo silikaka yambalo yeleki liposo sala ki otani sa tongo tolimbe sangai cette fois c'est comme procès mobimbao na kobe ma jules yombele ye licencia défendre ngai pona sale lokoteo o wanganinga avant Paulin Katalay, Papi Seben, Bibi Shekambembo, le vieux Didas Pembe, Ya Laura Sokoko, Guy Maloubangaye, Harry Setsambo, Bibi Shekambembo, Switzerland, Anita Anise, Choisi Matataye, O Sabotena Nakemaye, Paul Moutou o wanganinga avant. O sabotenga na kemaye O wangani na ava Antura joko miolanda pol Bako moteo mambi Ye baka koye sans imite me baka jesu sur la croix Ezaleli no ma beboy Mama o yebi na yo kakakoli Nga kasi kolimbi sa te Sen pasa embe Jeja dile tetao eto kwa makambo babuwa kiwapyo Sateliteo yo moto mimande ngambo Eskomuniteo esika babuwa keto kwa makambo Jeja dile tetao eto kwa makambo babuwa kiwapyo Sateliteo yo moto mimande ngambo Eskomuniteo esika babuwa keto kwa makambo Gabé Tokodi Zéphirin Lukoki. Le boss est Francis Louya. L'amour c'est comme l'enfer. Maman nanga komyo bangelanga nzotwe. Nzotwe kenda e. Bonale ma ale zola e. Ezo zongate. Boluke langa jef jadile teta. Die zola. Sokia yeta. Akokutanga na kampa Astrid Chanda ya bene Nadia mpaka Winnie Wonde Fanny Luindu na ye Patricia Kabeao Vie nanga jigal nzao Benoa Mukende Oboto langa ni merwa loketo Aliane Yenga Oboto langa na reto mila Cheri Kasa Oboto langa Ellen Kalema Dani Muzumbu Obotolanga Ariet Kajinga Amede Mackenzie. Obotolanga Eric La Torti. Seleman Zombie. Obotolanga Yves Bomba. Lala Love. Obotolanga Emama Cho. Mami Bongese. Chico Simisi. Freddy Ndongala. Obotolanga Tranquille Zanangai. Chouke Lomboto Bokulaka. Obotolanga Nimelo Ambati. Pichu Botoko Maître Fabrice Miyebe. Moïse Betanzetina Libanga Maye Bima Peple Mela eh, eh. 4 GTV News Maroc. Moïse Betanzetina Libanga Maye Bima Peple Mela Naï. Soba de Soba Blaise Diloué. Pole Moutou Betanzeta Bilengi Susi Namata Eko Tambangu Fise Kelele. Général Yapapimbalaï. Chantal Ebola Jimmy Lukoji, Baréan leader Yadjobu. Élisée Luamboué. Cécile Badio, Nzambe Yaba Mama, Président Francis Manuanae. Eh, Vienangae Mongo. Odete Chibambi. Freddy Mwamba. Odete Chibambi, Namati Tsobesita Moussampaye. Pedro Pembele, Shafi Japan. Anderson Likutu Pano Géant, Kajou Malwa, Bernard Moindo Yanadej, Rachel Top Model Barbara, Martin Sema Sinda, Elamba Nelamba, Zambia Moto Linga Kibongo, Ya Didi Kilokilo Inspecteur, Ya Dada Guabana, Baya Visa Ponda, Moïse Betazetina Libanga Maye, Pima Peple Melangaï, Jire Sezambaï, Gima Kodaï, Moutou Paul, Betanazeta Bilengi Susi Namata, Eko Tambangu. Thierry Gola Papa Soraya, Christelle Boumania Sekula, César Pachotti Yangoy Loboko Yanzambe, Tati Lufutu, Alain Bila, COVID-19 Oyo, Système Yapale Kaka.